Et les femmes, celles qui travaillaient dans les usines de lutherie, elles avaient un costume particulier. La même chose. Elles avaient le tablier. La même chose. Le tablier, comme les hommes. Comme les hommes, c'est avec la même étoffe bleue. La même chose, toujours le bleu, là. Ah, on n'en trouve plus des tabliers de lutherie. Oui, on ne trouve plus. On ne trouve plus d'étoffe, là. Avant, peut-être, ce n'était pas le tablier. Elle venait d'où cette étoffe? Du Gérardmer.